soir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Napoléon à Sainte-Hélène. Le 7 août 1815, dans la rade de Plymouth, en Angleterre, le Northumberland, un navire de ligne armé de 78 canons, s'apprête à mettre la voile pour Sainte-Hélène, une île perdue de l'Atlantique Sud. Avec à son bord Napoléon Bonaparte, l'empereur qui a abdiqué 6 semaines plus tôt. L'homme qui, pendant 15 ans, a dirigé les destinées de la France pour le meilleur et pour le pire, qui, au nom de la Révolution française, a conquis toute l'Europe, est aujourd'hui le prisonnier des Anglais. En le déportant à Sainte-Hélène, ils espèrent en finir une fois pour toutes avec l'usurpateur, comme ils l'appellent, que rien ne semble pouvoir vaincre. Après 67 jours de mer, le navire enfin jette l'ancre à Sainte-Hélène. « Une île chiée du diable », s'exclame la comtesse Bertrand, une des fidèles qui accompagne l'empereur. Commence alors pour ces exilés français une vie étrange, faite d'inconfort, d'ennui, d'humiliation et de rivalité. Une vie qui, pour Napoléon, s'achèvera le 5 mai 1821. Pourtant, presque jusqu'au bout, l'empereur gardera l'espoir par tous les moyens de rentrer en France et d'y reprendre le pouvoir. Car comme il le disait, il est pénible et difficile de quitter l'espérance et la gloire. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pierre Branda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur du patrimoine de la Fondation Napoléon et, à l'occasion du bicentenaire, commissaire de 2 expositions, Napoléon n'est plus, au musée de l'armée, aux Invalides, et Joséphine Napoléon, une histoire extraordinaire pour la Maison Chaumet. Alors, concernant l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, vous lui avez consacré un livre qui est paru chez Perrin. Alors, cette histoire nous était déjà connue par un de ses témoins directs, les plus directs, Emmanuel de Lascazes, qui accompagne Napoléon une partie de son exil. Et c'est l'auteur des mémoires, les fameuses mémoires de Sainte-Hélène. Mais alors, pourquoi était-il nécessaire de la réécrire, cette histoire, Pierre Branda? Cette histoire avait été, si je puis dire, trop écrite en partant de la fin. Donc, on en a fait la chronique d'un drame annoncé, alors qu'en réalité, évidemment, les acteurs du temps ne connaissaient pas la suite comme nous. Et eux ont continué d'espérer. Le premier d'entre eux, effectivement, Napoléon, qui a, tout au long de la captivité, espéré s'en sortir, changer quelque chose. Car Napoléon est quelqu'un qui a toujours voulu maîtriser son destin. Et là, donc, il n'a pas changé. Au fond, il va, on le sait, petit à petit s'affaiblir, mais il tient toujours, il essaye toujours, si je puis dire, de reprendre la main et d'imposer en fait son tempo à lui. Donc il continue à lutter. Avant de commencer le récit justement de cette histoire de Sainte-Hélène, pouvez-vous, Pierre Branda, nous rappeler les événements qui ont conduit à cet exil? Parce que tout ça, c'est un des souvenirs un peu d'école, parfois un peu confus. Et après être revenu de l'île d'Elbe, de son premier exil, les 100 jours commencent. Ils vont s'achever après avec la défaite de Waterloo. Hein, et Napoléon est contraint à de nouveau quitter le pouvoir. Ça, c'est donc en juin 1815. Juin 1815. Donc, il abdique à nouveau. Il a un rêve d'Amérique. Il veut se rendre en Amérique, c'est une destination assez prisée à l'époque et effectivement tout le monde essaye d'y s'y rendre en exil. Et Napoléon pense, caresse ce rêve d'Amérique, mais il va être brisé par les Anglais en fait, car quand il arrive en rade de Rochefort, il a bien 2 navires à sa disposition, mais la sortie, la rade est bloquée par un navire anglais qui empêche, sauf à le combattre, toute sortie maritime. Oui, donc, les Anglais veulent l'emprisonner. Oui, les Anglais ont ordre de l'intercepter. Ouais. Et déjà, en fait, ils veulent s'emparer de Napoléon car ils ont bien l'intention de, si je puis dire, régler son sort d'une manière ou d'une autre, pas de manière violente, mais de s'emparer de sa personne, de l'intercepter. C'est exactement l'ordre exact. Mais ça n'est pas clair pour Napoléon. Non, c'est pas clair du tout pour Napoléon, parce que Napoléon, lui, peut penser que cette nation, qui offre déjà un certain nombre de droits, est possible qu'elle l'accueille dignement. En fait, Napoléon va faire un autre pari plutôt que de fuir comme un aventurier, ce qu'il ne veut pas. Il se rend à cette nation, en fait, par un geste chevalier. Qu'il veut obliger son ancien ennemi, son pire ennemi, en fait, à l'accueillir dignement à Londres, et bien entendu dans certaines conditions. Mais voilà, Napoléon escompte sur la bienveillance anglaise. Est-ce que c'est pas un peu naïf quand même? Il y a une part, oui, de naïveté, une part d'histoire, parce que l'année précédente, il avait été plutôt bien traité par les Anglais, son frère aussi, d'ailleurs, Lucien. Donc, il a toutes les raisons de penser que les choses peuvent bien se passer. Et finalement, car l'Angleterre a toujours accueilli les exilés, enfin, les exilés prestigieux d'une manière assez digne. Donc, c'est ce qu'il pense. Parce que l'Angleterre est une monarchie avec très conservatrice. Malgré tout, il y a un système, c'est un état de droit. Avec ce fameux habeas corpus. Exactement, le droit de se défendre. Il y a quand même déjà une opinion publique. Enfin, donc Napoléon sait tout ça, sait qu'il y a une majorité conservatrice, mais aussi une opposition libérale. Donc Napoléon compte sur effectivement l'accueil des Anglais. Là il se trompe. Hein. Il va même plus loin d'ailleurs, parce qu'il leur adresse peut-être un message d'offre déguisée. Son message vient comme Thémistocle m'asseoir au sein du foyer du peuple britannique. En fait, Thémistocle était un général grec qui s'était rendu aux Perses, mais qui ensuite avait servi les Perses. Hein. Donc personne ne pouvait ignorer cela. Le problème, c'est que en écrivant cette lettre, il consolide son image d'homme imprévisible, en fait, et capable de tout. Donc, oui, il fait très peur aux Anglais, en fait, Napoléon. Oui, il leur inspire une crainte déraisonnable, car les Anglais le pensent. Ah, en partie, ils ont raison, capable de tout. Depuis son retour stupéfiant le 1er mars 1815 en France, seul, quasiment, ou en 20 jours, il a repris son trône. Eh bien, les Anglais, comme tout le reste de l'Europe d'ailleurs, le craint plus que jamais. Hein. Et pourquoi le choix de Sainte-Hélène ? Alors, Sainte-Hélène, tout simplement, bon, c'est éloigné, on peut bien le garder, mais aussi parce que territoire de la Compagnie des Indes, l'habeas corpus ne s'applique pas. Or, les Anglais ne veulent pas que Napoléon puisse contester juridiquement sa détention. Ils en ont peur et ils pensent aussi l'éloigner durablement et de leur opinion publique aussi. Pierre Branda, on continue tout à l'heure cette discussion, si vous voulez bien. Tout de suite, Napoléon à Sainte-Hélène, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Moi qui ai terrorisé les nations, 100 000 hommes m'obéissaient sur un signe. Me retrouver au bout du monde sur cette île. Une prison idéale, comment pourrais-je m'évader? Seul un oiseau peut sortir d'ici. Avec cette flotte de guerre que les Anglais ont déployée pour surveiller les côtes, et 3 000 soldats pour un seul homme, cette île est maudite. Non, je garde l'espérance. Un jour de mer calme comme aujourd'hui, ils verront entrer dans la baie un vaisseau à drapeau tricolore. Rien ne pourra alors retenir l'aigle impérial. 17 avril 1816, c'est l'automne austral. Voilà 6 mois que Napoléon, le prisonnier de l'Europe, est exilé à Sainte-Hélène. Napoléon est accompagné dans son exil par une trentaine de serviteurs et 3 officiers. Son officier d'ordonnance, le général Gourgaud, un polytechnicien de 32 ans, le maréchal Bertrand, le général Montholon, avec leur famille. Enfin, Emmanuel de Lascazes, au titre de secrétaire. Au début, Napoléon garde son emploi du temps de chef d'État, travaillant à ses mémoires avec Lascazes et prenant ses repas à la va-vite. Le matin, il se lève à 5 heures et sort à cheval avec le général Gourgaud. Ah, Gourgaud. Nous qui avons sillonné l'Europe d'un champ de bataille à l'autre, nous voilà à tourner en rond sur 100 km carrés. Pardieu, vous avez une tête. Je vous donnerais 1 000 000, vous n'en seriez pas plus gai. Vous avez fait venir une fille, au moins? Ça m'a coûté 6 livres. Que faire d'autre dans cette île exécrable? On ne peut courir 1 000 à cheval sans être trempé. Oh, ne recommencez pas avec ça. Ce qu'il vous faut, c'est un beau mariage. Nous vous marierons bien. Vous, Gourgaud, vous voulez aimer, n'est-ce pas? Personne n'éprouve plus que moi le besoin d'aimer, sire. Alors prenez patience, nous quitterons bientôt cette île maudite. Et Madame Bertrand a raison, on la dirait chiée par le diable. Et puis arrêtez de vous plaindre, vous allez devenir fou. Mais voyez-vous ça, le capitaine Popletin est un obasque. Ah. Il a instruction de me tuer. Un coup de baïonnette, parti tout seul. Tout de même, sire. Bon, je connais les Anglais. Quelle fin indigne, tomber sous une balle de Popleton. J'aurais dû en finir à Moscou. Ce sera resté dans l'histoire. Ah, Moscou. Si vous n'aviez pas fait la guerre avec l'Espagne, vous auriez eu 200 000 hommes de plus en Russie. Ça aurait été 200 000 cadavres de plus. C'est le froid, et non l'ennemi, qui nous a détruits. Mais je n'ai pas changé d'un iota. S'il le fallait, je referais la campagne de Russie. Le malheur passe sur moi comme la pluie sur le roc. Oh, Pop Popleton est maintenant sur notre dos. Popleton, go away! Tiens, allons voir les Bertrands. Suivez-moi, on passe le fossé au fond du vallon et on va le semer. Général Gourgaud, au galop! Une heure plus tard, les deux hommes sont de retour à Longwood, la résidence de Napoléon. La vaste demeure est facile à surveiller, entourée de falaises à pic dans la mer et construite au milieu d'un plateau désert desservi par une route étroite. La maison principale est prolongée de bâtiments construits à la hâte qui accueillent Lascaz et son fils, le général Gourgaud, le général Montholon et sa famille. Le capitaine Poppleton, qui vit dans une annexe, rend compte heure par heure des faits et gestes de Napoléon au gouverneur de l'île, Hudson Lowe. Ce général britannique, qui a instruction de surveiller le prisonnier, se sert responsable devant toutes les monarchies d'Europe. Personne n'oublie que Napoléon s'est évadé de l'île d'Elbe. Hudson Lowe attend Napoléon dans le jardin. Major, vous direz à votre chien de chasse, Poppleton, de rester à distance. Il a ordre de ne pas vous quitter des yeux. Changer les ordres. Et j'ai une protestation officielle. Cette maison, toujours dans le brouillard, est malsaine. C'est l'objet de ma visite. Nous allons construire une nouvelle bâtisse. Inutile. Outre le bruit et le remue-ménage, cela demandera des années. D'ici là, la Providence nous aura délivrés. On trouvait le moyen de rendre celle-ci habitable. Je vais en rendre compte à mon gouvernement. Vous ne paraissez pas bien apprécier la situation. L'histoire vous jugera, vous savez. Vous serez désavoué. J'en rendrai compte à mon gouvernement. Je vais écrire à votre ministre. Vous ouvrez tous les courriers, partant et arrivant. Vous confisquez les livres, bustes, meubles qui me sont adressés. Ces restrictions n'ont aucun rapport avec la sûreté de ma détention. Ces objets étaient adressés à l'empereur. Vous m'obligez à vous rappeler qu'aucun empereur ne se trouve à Sainte-Hélène, général Bonaparte. Vous et votre lord ministre serez bientôt oubliés. L'empereur Napoléon demeurera dans l'histoire comme l'étoile des peuples civilisés. Disposez. Qui donne le droit à ce petit gouverneur d'un trou perdu dans l'océan de me disputer mon titre ? J'ai été choisi comme empereur des Français, sacré par le pape. Quelle niaiserie ! Après tout, qu'ils m'appellent comme ils veulent, ils ne m'empêcheront pas d'être moi. Et le dîner ? Il est bien tard. À Sainte-Hélène, l'empereur déchu reproduit la maison impériale. Sur ses propres deniers, il verse aux officiers et serviteurs de Longwood les mêmes traitements qu'aux Tuileries. Des sommes très conséquentes. Bertrand a été nommé grand maréchal du palais et Gourgaud promu maître des écuries, alors qu'il n'y a que 4 chevaux. Le général Montholon a été chargé du personnel alors qu'il voulait l'intendance, finalement échu à Lascaz. Au fil des mois, rivalités et tensions se font de plus en plus vives. Napoléon travaille à ses mémoires et voit dans ce projet sa réhabilitation politique. Lascaz, qui les reçoit sous sa dictée, s'impose comme son favori. Ce 17 avril, Albine de Montholon, enceinte de 8 mois, paraît au dîner en grande toilette, conformément à l'étiquette. Sur la table, les mets sont servis dans la porcelaine de Sèvres de l'Élysée. Un maître d'hôtel et 4 serviteurs, dont 2 réservés à Napoléon, font le service. Après le dîner, on se réunit dans le grand salon qui donne sur le jardin, autour du billard. Napoléon ne joue pas, mais de la main fait rouler les boules l'une contre l'autre sur le tapis. Et où est Bertrand ? Vexé, sûrement. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un bourgeois de Châteauroux. Oh, c'est pas bien méchant. Son père lapait la soupe en bonnet de coton sur un coin de table en cuisine. C'est lui qui me l'avait raconté. C'est vrai, Bertrand aurait dû attendre pour parler que vous vous adressiez à lui. L'étiquette, c'est tout ce qui nous reste des Tuileries. Mais sire, vous l'avez blessé et vous savez bien que les blessures d'amour-propre... Qu'il vienne s'excuser. À l'heure qu'il est, il doit se désoler de m'avoir déplu. Et madame Bertrand, pourquoi ne vient-elle pas dîner avec moi ? Elle ne vient que le dimanche. Dites-lui qu'elle est une sotte. L'autre jour, elle m'a encore traité de monstre d'égoïsme pour avoir obligé son mari à venir avec moi. Les Bertrand, je les ai comblés de millions. J'ai des diamants à distribuer, je vous les donnerai, Albine. Et votre mari? Où est-il? Au port. Il voulait récupérer des marchandises arrivées de Paris, pour qu'elles ne passent pas la nuit sans surveillance. Bien. Il rapportera les journaux. Ah, si j'étais libre. Vous savez ce que je ferais? J'aimerais parcourir l'Europe, incognito. Vous, incognito? J'essaierai de savoir ce que les princes disent de moi. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu en arriver à une telle catastrophe. Gourgaud, une partie d'échecs? Vous jouez si vite, on en est étourdi. Acceptez, Gourgaud. Sinon, nous allons avoir droit à la lecture de la tragédie de Voltaire. Je ne la supporte plus. Très bien. Sire, savez-vous quoi? Nous avions décidé de cacher le livre. N'est-ce pas, Gourgaud? Ah, il n'osera jamais le dire devant vous. Cette lecture devrait pourtant plaire à une femme. Aux Tuileries, je me souviens, des acteurs étaient venus la jouer. Et après, on a raconté que le maréchal Duroc avait fait venir la jeune actrice dans ma chambre. Oh. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Oh, pas un mot de vrai. Non. Milady Montol, on n'y croit pas. Je suis donc un menteur. Vous avez les blancs, sire. C'est à vous de commencer. Et tous les soirs, ce canon. Quelle idée de tirer le canon au coucher du soleil, non? C'est l'heure où la garnison se déploie pour cerner la maison. J'aime tellement le ciel des tropiques la nuit. Mais... Pardonnez-moi, sire, les moustiques aiment ma chair et leur piqûre me fait mal. Bon, Majesté, vous aviez avancé la tour. Vous ne pouvez pas changer et avancer la reine. Pièce touchée, pièce jouée. Je me suis trompé, ça ne compte pas. Jouer. Il n'est que 10 heures. Les nuits sont longues. Et les journées, donc. Sire, ce doit être cette chaleur, je ne sais pas, ou la pénombre des bougies. Il me vient l'idée que nous sommes peut-être déjà dans l'autre monde. Permettez-moi de me retirer. Je vous le permets, Albine. La voilà qui s'enfuit. Elle est triste, soudain. Nous l'avons fâchée, vous croyez? Non, sire, c'est sûrement sa grossesse. Ou peut-être est-elle la plus lucide d'entre nous. Ah, voilà la Skaz. Je le déteste. Gourgaud, je veux qu'il soit votre meilleur ami. La Skaz. Vous savez, Gourgaud, la Skaz a un véritable talent de mémorialiste. Il est le plus doué de vous tous, et de loin. Sire, c'est vous qui écrivez. Votre âme soumet tout ce qui l'approche. Ici, même vos geôliers sont à vos pieds. Vous êtes le maître de vos vainqueurs. Je voulais éclaircir un petit point. En 1795, vous m'avez dit que vous commandiez les troupes qui ont écrasé l'insurrection royaliste à Paris. Mmh. Gourgaud, lui, dit que c'est Barras qui commandait. Je suis maître de dire ce que je veux. Gourgaud n'a pas à me démentir. Ah, Majesté, je le savais. Il veut me discréditer à vos yeux. C'est donc la raison de votre froideur envers moi? Pourquoi est-il ici? J'accomplis le noble travail des mémoires de l'empereur. Et vous? Moi? Moi? Mais je lui ai sauvé la vie 2 fois, moi. À Moscou, j'ai découvert où était la poudre qui devait faire sauter le palais du Kremlin où nous devions passer la nuit. Et j'ai traversé la Bérézina à la nage. À Brienne, j'ai tiré sur un cosaque qui s'apprêtait à transpercer l'empereur de sa lance. Je suis fidèle à sa majesté. C'est mon devoir d'officier. Et vous, hein? Laskaz, votre dévouement, des blagues, oui. Et mon pistolet... Gourgaud, aux Tuileries, vous n'auriez jamais parlé sur ce ton en ma présence. Sire, ici, il n'y a ni fortune ni place. Seule la considération que sa majesté nous témoigne peut nous consoler. Laskaz n'y a aucun titre. Il n'a pas fait la guerre. Qu'il ait votre préférence me rend très malheureux. Taisez-vous. Vous n'êtes pas le plus malheureux ici. Bien sûr que si. Je suis seul, sans femme, sans enfant, j'ai 34 ans. J'ai fait un trait sur une carrière militaire que j'aimais. J'ai tout perdu pour suivre sa majesté. Ce serait à recommencer, vous devriez faire de même, Gourgaud. Votre jalousie ressemble à un combat de nuit où l'on frappe un camarade au lieu de frapper l'ennemi. Bon, il est tard, allons nous coucher. Quand il fait jour, tout se pardonne. on ne parle que de moi en Angleterre. Et M. Hudson Lowe est maltraité dans toutes les gazettes. Enfin, au moins l'histoire ne me reprochera pas d'avoir fait périr Louis XVIII. Moi, je saurais rendre la France bien plus heureuse. La France se remet lentement de la perte d'1,5 million de civils et de soldats tombés durant les guerres impériales. Depuis Waterloo, elle subit l'occupation de 500 000 soldats étrangers qui réquisitionnent les marchandises. Le peuple est affamé et la monarchie restaurée l'a dépossédée de sa souveraineté politique. La nuit est tombée sur Sainte-Hélène. Chacun a regagné sa chambre. Sauf Gourgaud, qui en quête de distraction a gagné Jamestown, la seule ville de l'île. Louis Marchand, le valet de chambre, prépare le lit de camp où Napoléon dort comme il le faisait sur le champ de bataille. Marchand lui est fidèle depuis 1811. C'est lui qui a choisi le papier peint chinois orné de fleurs bleues et qui a accroché sur les murs les miniatures sur ivoire représentant Joséphine et Madame Mère. Sur la cheminée, il a placé les longues-vues, les thermomètres et les flambeaux en bronze emportés de l'Élysée. Marchand, si les Anglais veulent prendre le pouvoir en France, ils n'ont qu'à provoquer une guerre civile. Ce serait un bon prétexte pour brûler Paris. S'il y a une guerre civile, toute la nation se soulèvera en masse et vous rappellera au pouvoir, sire. Ah oui, la France a bien besoin de moi. Toutes ces manifestations contre les Bourbons le prouvent. On dit que Fouché a été exécuté. J'ai toujours su qu'il finirait pendu, celui-là. Je l'ai mis au ministère de la police et il n'a pas hésité à rallier Louis XVIII. Lui qui avait voté la mort de Louis XVI. Si j'avais vaincu à Waterloo, je le faisais fusiller. Tu ne sors pas ce soir, Marchand ? Mais non, il me faut l'autorisation du gouverneur maintenant, si je veux aller rejoindre Esther à Rupertsfort. Non, ce gouverneur, quand je pense que je suis à sa merci... La France va venir vous chercher. Tu crois ? Et m'évader, Marchand ? D'après Lascaz, des Français réfugiés aux États-Unis sont en train d'échafauder un plan. Pour ça, il suffirait de réunir quelques hommes. Et il y a aussi mon frère, Joseph. Des révolutionnaires mexicains ont proposé de me faire évader s'ils soutiennent l'indépendance de leur pays. Au Brésil aussi. Il paraît qu'il y a des Français qui cherchent du service. Oh, Marchand, je suis prêt à tout. Même cette histoire de bateau sous-marin que l'on construit à la Jamaïque. J'ai dit que c'était juste bon à amuser les enfants, mais on ne sait jamais. Attendons. Il va bien se profiler quelque chose. Me déguiser en matelot chinois, me cacher dans un baril de bière, tout ce qu'on veut. Pourvu que le navire aille en Amérique. Ou à Rome. Et dans 10 ans, j'en aurai 60, je serai mieux à Rome. Ou en Australie. Une colonie bonapartiste au milieu des kangourous. Montelon et Bertrand pensent que c'est une idée. Et toi, Marchand ? Paris, sire, ce que j'en pense ? Écoute-moi, j'ai un plan. Je serai censé garder la chambre. Le gouverneur sait que je suis parfois plusieurs jours sans sortir. Nous enverrons ces dames faire visite à la femme du gouverneur, et pendant que dans son salon, Lady Lowe fera la conversation, nous, nous quitterons l'île. Mais que se passe-t-il ? J'y ai. C'est Gourgaud ? Sire, le feu est au salon. Par bonheur, Gourgaud rentrait de Jamestown. Sans lui, la maison brûlait. 18 août 1816. En avril, la Chambre des Lords à Londres a voté une loi spéciale qui fait de Napoléon un prisonnier de guerre privé de tout droit civique et condamne à la peine de mort toute personne qui le ferait évader. Les travaux de fortification, la construction d'une tour de surveillance et les 500 canons récemment placés le long des côtes de Sainte-Hélène doivent empêcher tout débarquement. Hudson Lowe resserre les surveillances sur la correspondance, y compris les notes de fournisseurs. Mais l'entretien des soldats de l'île représente un budget considérable. Sans parler des marchandises, toutes importées du continent, et du personnel au service des exilés français. Un budget de 8 millions de francs assuré par le gouvernement anglais. Lowe a reçu des instructions de Londres. Napoléon le reçoit au jardin. J'ai à me plaindre des sentinelles autour de ma maison. Bertrand, qui fait chaque jour à pied le chemin de Longwood jusque chez lui, a été plusieurs fois menacé de vos baïonnettes. Cela ne peut pas durer. Général, je n'y peux rien. Je suis venu vous avertir qu'un officier d'ordonnance devra désormais s'assurer deux fois par jour que vous êtes présent. Au besoin, en s'introduisant chez vous. Un officier anglais, dans mes appartements. Vous êtes vraiment capable de tout. Et mon gouvernement a décidé de réduire les frais de votre maison. Comment ? Le savez-vous ? Tous les matins, vous sont livrés 30 kilos de bœuf, 33 kilos de pain, 4 kilos de sucre, 1 kilo de café et 36 œufs. Et toutes ces notes ? 6 livres 15 de fromage, 47 livres de vin de Madère. Ce budget passera de 20 000 à 8 000 livres. Tous ces détails ignobles, Lowe. À vous de financer le surplus. Voyez-vous ça ? Subvenir à ma propre captivité. Vous n'avez plus d'argent, Lowe ? Écrivez à vos amis, les princes d'Europe. C'est extraordinaire à la fin. Vous voulez toujours que les choses se fassent comme vous l'entendez. J'ai l'âme aussi forte que quand j'étais à la tête de 600 000 soldats. Il y a un courage moral aussi nécessaire que le courage à la guerre, Lowe. Et vous n'avez ni l'un ni l'autre. Enfin, monsieur, vous ne me connaissez pas. Mais par Dieu, où vous aurais-je connu ? Je ne vous ai vu sur aucun champ de bataille. Je ne fais que mon devoir. Vous voyez ce camp, là-bas, où sont vos soldats ? Les grenadiers du 53e. Eh bien, si j'ai faim, j'irai m'asseoir à leur table. Ils partageront la gamelle avec un vieux soldat tel que moi. Je n'ai pas sollicité ma place et je vais demander mon rappel. Je gouvernais le monde, Lowe. Je sais bien quelle sorte de gens on prend pour remplir vos fonctions. Seuls des hommes médiocres peuvent les accepter. Vous faites bien de demander votre retour. Disposez. Ce chien d'anglais s'emploie à éloigner tout le monde de moi. Je ne lui parlerai plus. Je compte bien sur le coût exorbitant de ma captivité pour pousser les Anglais à me rapatrier. 25 novembre 1816. Depuis leur dernière entrevue, le gouverneur a renvoyé en France 4 des serviteurs de l'empereur. Il a aussi demandé aux exilés de signer une attestation selon laquelle chacun déclare vouloir rester à Sainte-Hélène sans en préciser la durée. Il espérait les effrayer, tout le monde a signé. Il a encore renforcé les contrôles. Tous les navires qui font escale à Sainte-Hélène sont désormais fouillés avant l'appareillage. Malgré cela, tout un système de correspondance clandestine fonctionne via les fournisseurs de la maison qui font des allers-retours en Europe. Hudson Lowe a décidé de frapper. Détachement du 66e à cheval maintenant ? Simple mesure de sécurité. Sire ! Sire ! Sire, le gouverneur fouille l'appartement de Monsieur Lascaz. Il parle d'enlever les planchers, de démonter le canapé. Deux lettres ont été trouvées écrites sur des bandes de satin et cousues dans le vêtement de James. Vous savez, le domestique de Lascaz. Il a été arrêté alors qu'il s'embarquait. Quoi ? Lascaz m'avait parlé de ce projet, je lui ai dit que c'était une folie. Comment a-t-il pu me faire ça ? Un homme à qui j'ai accordé toute ma confiance. Il a tous mes papiers. Pourquoi avoir remis des lettres à ce valet ? Le gouverneur le surveillait, tout le monde le savait. Soit c'est le comble de la sottise, soit un piège tendu par le valet pour que Hudson Lowe mette la main sur nos écrits. Sire ! Lowe a saisi tous les papiers de Lascaz, toutes les notes que vous avez dictées. Non. Il pense y trouver des projets d'évasion, des noms. Il se voit déjà prononcer la peine de mort pour tous ceux qui auraient voulu vous aider. Il est comme fou. Lascaz va être expulsé de l'île sur le champ. Tous ses papiers confisqués. Gourgaud, retournez voir ce qui se passe. Marchand, brûle tout ce que j'ai écrit. Sire, jamais je ferai ça. Oui, sans doute. Gardons notre sang-froid. Après tout, Lascaz va rentrer en Europe. Il racontera comment on me traite ici. Le récit de mon martyr à Sainte-Hélène me dépouillera de ma peau de tyran. Ce n'est pas précisément les chasses de Fontainebleau. Est-ce que ce sont des perdrix ? Peu importe, ça me distrait en attendant qu'on me libère. Si seulement je n'avais pas fait la sottise de me faire battre à Waterloo. J'aurais dû attendre et recruter des soldats. Ah, j'oublie comme tout cela s'est fait. Mais Gourgaud est là. Ses souvenirs aident les miens à ne pas mourir. Après l'arrestation et l'expulsion de Lascaz, Gourgaud a pris sa place en tant que secrétaire. En seulement 13 jours, Napoléon lui a dicté les lettres du Cap de Bonne-Espérance, qui raconte sa captivité par le truchement de témoins fictifs. Traduit en anglais par la comtesse Bertrand et expédié secrètement en Europe, le livre fait beaucoup de bruit. Napoléon gagne en popularité auprès des libéraux européens, ce qui n'est pas sans inquiéter les monarchies. L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie doivent se réunir en septembre à Aix-la-Chapelle pour réviser les conditions d'occupation de la France. Le sort de Napoléon sera évoqué. Ce congrès suscite à Longwood de grandes espérances. Ce 2 février 1818, Napoléon est parti à la chasse tôt le matin. Vous vous souvenez, Gourgaud, du dernier jour à Waterloo? Vous m'avez dit, général Gourgaud, faites tirer. Et c'était les derniers coups de canon de la bataille. Oh, j'en ai assez, sire. Il n'y a rien à chasser ici. Allons de ce côté. La plupart des fautes commises à Waterloo l'ont été par les généraux. Ah, si j'avais mis le nez là-dedans, je n'aime que ceux qui font la guerre. Sire, pour analyser une défaite, il faut être pragmatique, étudier les erreurs stratégiques. Vous ne parlez que des fautes des généraux et des pertes de Wellington. Et vous, vous pensez toujours contre moi? Majesté, vous êtes injuste. Il faut vous le dire. J'ai eu du chagrin toute la nuit. Ici, je ne peux pas vous être utile comme sur le champ de bataille, mais je vous suis sincèrement attaché. Et vous me préférez les Montolons qui me traitent comme un chien. Je suis maître de considérer qui je veux comme je veux. Et vous, vous... Albine et ses gasconnades impériales, vous, votre goût dépravé. Mais quoi? Et quand je coucherai avec elle, quel mal y aurait-il? Montolon, j'ai envie de le tuer. Mais je vous défends de le menacer. Vous êtes un brigand. Vous nous haïssez tous. Il faut obéir à Montolon, c'est ça? Alors je pars. Non, Gourgaud, oubliez mes paroles. Vous croyez que je n'ai plus rien? Il me reste quelques millions. Et je n'ai d'autre famille que vous. Soyez tranquille, je vous donnerai 600 000 francs. Auriez-vous espéré une telle fortune? Mais vous dites que je suis un brigand. Et vous n'allez pas partir maintenant. Dans 6 mois, les puissances européennes me rendront la liberté. Quoique, en y réfléchissant, vous pourriez partir, en effet. Quoi? Vous me forcez à me séparer de vous? Oui, Gourgaud, partez, le plus tôt possible. Voilà ce que vous allez faire. Le récit que j'ai fait de Waterloo, vous le publierez. Vous en tirerez 6 000 louis. L'opinion publique, Gourgaud, elle tourne en ma faveur. Et le Congrès est contraint de m'être favorable. Partez. Une fois sur place, vous verrez l'échiquier sur lequel jouer. Là, une perdrix. Gourgaud, tirez! Ah, cette douleur! Comme si un rasoir me découpait le flanc. Même les bains ne me font plus rien. Je ne mange pas, j'ai des nausées. Peut-être que c'est juste les mauvaises nouvelles. Ce matin du 2 mars 1819, Napoléon prend un de ses interminables bains. Il a passé la nuit à lire les journaux de septembre et octobre arrivés de Londres par la malle. Ils font le compte-rendu du congrès d'Aix-la-Chapelle. Vers 2 heures de l'après-midi, il fait atteler la calèche pour aller rendre visite aux Bertrand en compagnie d'Albine de Montolon. Il y a 1 an, elle a donné le jour à son 3e enfant. La famille Bertrand vit dans une petite maison à 10 kilomètres de Longwood. La calèche emprunte la route étroite qui mène sur les hauteurs de l'île, dispersée çà et là les masures où vivent des esclaves. En effet, outre les 740 colons blancs, quelques centaines de travailleurs chinois et de matelots indiens, l'île compte 1400 esclaves. Albine, qu'avez-vous? Vous êtes si pâle. C'est que la route est étroite et nous passons si près du précipice. Sire, vous êtes préoccupé. Des nouvelles d'Aix-la-Chapelle? Tout est perdu, je crois. Je ne comprends pas. Gourgaud m'écrivait qu'en Angleterre, l'opposition au gouvernement conservateur travaillait à ma défense, mais... les souverains européens ont confirmé que Napoléon est hors la loi des nations. Même le Morning Chronicle me lâche. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait à présent. Mais oublions cela. La petite Joséphine va bien? Je me lève 20 fois la nuit pour écouter son cœur. Savez-vous qu'on n'a jamais pu entendre battre le mien? Vous êtes une mère admirable, comme la mienne. Je crois que je me suis trop méfié des femmes. Si je remontais sur le trône, je les consulterais plus souvent. Vous ne vouliez voir dans les femmes que des poupées dociles. Il y a des petites filles sur la route. Elles vont à l'église. Ce sont des esclaves. La Révolution avait aboli l'esclavage. C'est moi qui l'ai rétabli en 1802. Mais la glorieuse Angleterre l'a aboli depuis longtemps, non? En 1807, je crois. Mais pas à Sainte-Hélène. Vous avez vu? Elles ont mis leurs plus jolies robes pour aller à l'église. Mais elles sont obligées d'y aller pieds nus. C'est la loi, ici. Pour les entretenir dans la soumission, sans doute. Oh, ces petits pieds nus. C'est le souvenir que j'emporte de Sainte-Hélène. Comment ça, le souvenir que vous emportez? Vous partez? Pardonnez-moi, sire, je pensais que mon mari vous l'avait annoncé. J'ai des problèmes de santé. Et vous me laissez seule avec Bertrand? Ah, je refuse. Vous partez, mais votre mari ne s'en ira pas. Sire, je... Combien voulez-vous? Dites un chiffre, tout ce que vous voulez, du moment que Montholon reste. Nous arrivons. Nous en reparlerons. Albine, si vous partez, je crois bien que nous ne nous reverrons que dans l'autre monde. La nuit est bien sombre. On ne peut me voir. Qu'ils partent. Qu'ils partent tous. De quelle utilité me sont-ils, après tout? Je vais me faire ermite. Ah! Voilà donc la maison que Mr. Lowe me réserve. New Longwood. Mais c'est une cage. Des grilles partout. Cela distrait mon insomnie, de marcher la nuit. Avant, quand je voulais dormir, je fermais tous les tiroirs de mes pensées, et c'était fait. Ici, je ferme les yeux, et je me rappelle mes fautes. Un cauchemar continuel. Qui va là? Majesté, je vous cherchais. Vous allez attraper du mal. 17 avril 1820. Napoléon, en robe de chambre, a fait le tour du chantier de New Longwood, la maison qu'on fait construire pour lui. Quand les travaux s'achèveront, il sera trop tard. La mort emportera Napoléon le 5 mai 1821. Après le départ d'Albine, l'ex-empereur perd toute combativité. Il interrompt l'écriture de ses mémoires. Il se lance dans le jardinage, en tenue de fermier, veste de nankin à bricot, chapeau de paille à large bord et sandales, il plante melons, asperges et artichauts. Et puis, soudain, la maladie prend le dessus. Marchand et Napoléon traversent la nuit en évitant les sentinelles. Arrivé dans sa chambre, Napoléon s'approche de la vitrine où il garde sa collection de boîtes aux armes impériales. Marchand, il faudra les remettre à mon fils. Je ferai selon vos volontés. Tu sais, je suis de plus en plus confus. Au dîner, j'ai parlé de l'Antiquité, du siège de Mayence en 1793 et de l'anatomie des poulpes. J'ai bien vu que Bertrand était très mal à l'aise. Je ne sais ce qui se passe dans mon esprit. Donne-moi quelque chose à lire. C'est le climat d'ici, sire. Voulez-vous vous coucher? Oh, si tu savais, le lit est devenu pour moi un lieu de délices. Moi qui étais infatigable. L'autre nuit, j'ai rêvé de l'impératrice Marie-Louise. Elle était là, assise sur mon lit, tout en mousseline blanche. Je voulais la prendre dans mes bras, mais quoi que je fasse pour la retenir, elle m'échappait. Et puis tout a disparu. Sire, j'étais là. Vous étiez dans une telle agitation, vous parliez, je vous ai réveillé. Ah, c'est toi. C'est à cause de toi que je ne suis pas resté plus longtemps avec ma femme. Sors. Sors d'ici. Je suis à côté si vous avez besoin de moi. Non. Reste un peu. Approche. J'ai 6 millions chez Lafitte, le banquier. Montholon en aura 2, Bertrand 1, et toi, 500 000 francs. Sire, l'argent n'a jamais été cause des dévouements sincères. Ce ne sera plus très long. Marchand, tu seras mon exécuteur testamentaire avec eux. Les services que tu m'as rendus sont ceux d'un ami. Je sais bien que je n'irai plus très loin. Sire... Non. Non, ne dis rien. Attends, attends. Reste encore. Mon fils, quand il aura 16 ans, hein, tu lui remettras ma lunette de guerre et mon épée, ma selle, mes éperons, mon lit de camp aussi. J'y ai dormi pendant toutes mes campagnes. Et mes boîtes. N'oublie pas mes boîtes. Tu les lui remettras. Hein, marchand. Napoléon à Sainte-Hélène de Christine Spianti avec Napoléon, Éric Herson-Macarel, le général Gourgaud, Emmanuel Vérité, Albine de Montholon, Caroline Piette, Louis Marchand, Loïc Maubillan, Emmanuel de Lascazes, Geoffrey Guerrier, Hudson Lowe, Nicholas Mead, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Jason Taous et Julien Calvas, assistante à la réalisation Aurélie Miermont, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez France Inter, on reprend dans quelques minutes la discussion sur Napoléon à Sainte-Hélène avec mon invité, l'historien Pierre Branda. Delgrès, assez sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Louis Audebert. Pierre Branda, nous avons partagé les dernières années de Napoléon, en raccourci bien sûr, lors de cet exil à Sainte-Hélène. Alors, c'est assez étonnant de le voir dans ces dernières années, en chapeau de paille, veste de Nankin à bricot, en train de planter des asperges et des artichauts. C'était donc vers la fin, avant qu'il tombe malade. Ce grand lecteur de Voltaire s'était mis, comme lui, à cultiver son jardin, vous croyez ? Oui, c'est vrai qu'il s'est intéressé à son jardin. Et en quelque sorte, il s'est, à ce moment-là, si je puis dire, enterré lui-même. En fait, il considère que Longwood et les jardins sont... Il a abandonné son espoir de partir. En Paris, il espère toujours, il espérera toujours, hein, même quelques semaines avant de mourir, il espérera toujours qu'un journal annonce la fin du gouvernement conservateur et qu'il est rappelé que bientôt il pourra rentrer. Enfin, c'est vrai que là, il s'isole beaucoup plus. Il abandonne effectivement la rédaction de ses mémoires. Il est moins combatif et en fait, il s'enferme dans son Longwood, dans son jardin. C'est comme voilà une sorte d'isolement. Enfin, c'est comme s'il coupait quelque chose dans sa tête pour à nouveau essayer d'échapper en fait à sa condition de prisonnier qu'il refuse absolument. Ce qui est assez étonnant et assez admirable d'une certaine manière, c'est que donc quand il arrive à Sainte-Hélène, donc il y croit encore et puis il organise cette vie en maintenant l'étiquette de la tenue, il exige qu'on le traite en empereur, il lit énormément. Cette cour qui l'entoure, en fait, c'est comme une structure pour rester droit. Ah oui, tout à fait. Cet homme de 45 ans essaie de résister par tous les moyens qui lui sont donnés, à la fois, effectivement, avec sa petite cour, il met en place une étiquette, alors ça paraît... Il y a un côté ridicule, côté ridicule là-bas, il oblige, par exemple, ses officiers à rester debout en permanence lorsqu'il est là. C'est comme ça, si jamais un Anglais vient le visiter, lui aussi est obligé de rester debout. Donc il y a comme ça toute une série de jeux, à la fois mi-drôle, mi-consternant tout de même, qui font que voilà, il entend résister parce qu'il veut rester empereur, il entend s'en sortir et en fait il lutte à sa manière contre les Anglais qui effectivement le traitent en général, l'appellent général Bonaparte. Et donc ça, il le refuse, il refuse sa condition de prisonnier en fait. Donc il fait tout comme si cette prison n'existait pas et c'est sa manière à lui de nier la réalité en fait, parce que c'est une réalité qu'il n'accepte pas, et comme toujours Napoléon veut transformer la réalité en une réalité qu'il commande et qui est la sienne. Donc en fait il est cette résistance est parfois atteint effectivement des moments ou des côtés un peu ridicules, mais toujours est-il qu'il arrive quand même malgré tout à imposer son tempo aux Anglais et à résister. Et c'est étonnant aussi, c'est que Napoléon, il résiste relativement bien à la dépression, à l'ennui, mais les gens qui l'entourent, pas forcément, n'ont pas forcément cette force de caractère. Ah non, pas on du a tout, entendu non. Gourgaud qui je sais pas comment dire, il pète les plombs, quoi. Oui, on pourrait, aujourd'hui, on dirait ça, mais effectivement, ce qui s'installe, c'est une sorte de huis clos oppressant, en fait, hein. Et donc, dans un confinement, hein, c'est le confinement qui va durer longtemps. Longwood, c'est une maison aux dimensions respectables, mais il y a tout de même 50 personnes, hein, qui s'y côtoient. Donc en fait, on est assez à l'étroit, les gens s'épient, se jalousent et arrivent, puisque nous sommes dans un petit cours, dans un phénomène de favoritisme, en fait, par la faveur, en fait, les gens vont essayer d'approcher le plus possible Napoléon, et Gourgaud est jaloux de tout le monde. D'ailleurs, Gourgaud n'arrête pas de... qui est un homme assez jeune, encore plein d'ambition... Lui, effectivement, supporte très mal cette captivité et la promiscuité, si je puis dire, avec les autres. Napoléon s'en jouait le diviser pour régner, hein, ce qu'il a pratiqué tout au long de son règne. En fait, c'est ce qui arrive en réalité, en fait. Hein. Tous ceux qui entourent Napoléon sont ses serviteurs. Il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis au sens, même s'ils peuvent être proches de lui... au sens littéral du terme, ce sont des serviteurs, des gens qu'ils payent, effectivement. Oui, l'argent est important. Hein, Et comme il le rappelle, vous êtes là pour me servir et pour, effectivement, me distraire, être agréable, vous ne devez pas vous disputer devant moi. Et il ne comprend pas ça, il répète, celui qui souffre, c'est moi qui suis prisonnier, parce que eux, s'ils sont tenus de respecter les règlements anglais, ils ne sont pas prisonniers comme Napoléon, en fait. Napoléon meurt le 5 mai 1821. Il rend le plus puissant souffle de vie qui eut jamais animé l'argile humaine, dira Chateaubriand. De quoi est-il mort? Il n'est pas assassiné. Non, il n'est pas assassiné. Napoléon souffre de l'estomac, d'un ulcère qui a perforé en 1819, et ensuite de sans doute de gastrite. En fait, son estomac est devenu hémorragique, donc il saigne en permanence. Et petit à petit, Napoléon s'anémie en fait et meurt des conséquences de l'anémie. En plus, ses médecins ne comprennent rien à son mal. Ils le pensent atteint du foie. Hein. Ils se trompent. C'est l'estomac. Et dans les tout derniers jours de sa vie, vont lui prescrire du mercure, qui est un remède fort couru à l'époque. Hein. Il nous en est resté le mercurochrome. Mais en fait qui ne soigne rien du tout et qui provoque des hémorragies. Donc Napoléon va subir une hémorragie massive qui en 3 jours va l'emporter. Il serait sans doute mort quelques jours après. Hein. Ça n'a fait que précipiter sa mort, mais il a été empoisonné par ses médecins parce qu'à l'époque il fallait résister à la maladie, mais aussi à ses médecins. Donc en fait Napoléon s'éteint effectivement prématurément. Il n'a que 51 ans le 5 mai 1821. Comment les Français réagissent-ils en apprenant la nouvelle? D'ailleurs, quand est-ce qu'ils l'apprennent? Ils l'apprennent au mois de juillet. La nouvelle se répand en France et évidemment en Europe. Elle ne suscite pas énormément de réactions. Enfin, du moins, on n'a pas de témoignages. Sans doute dans la sphère privée, il y a eu des pleurs, des regrets. Néanmoins, sa mort n'est pas encore un sujet qui va tout de suite prendre de l'ampleur. Ce n'est qu'avec la publication des témoignages des uns et des autres. Alors Lascaz, évidemment, avec le mémorial en 1823, mais aussi son médecin irlandais, O'Meara, et toutes les polémiques qui vont ressurgir à l'arrivée de ses anciens compagnons en Europe, qui vont, à ce moment-là, de nouveau créer un mouvement d'opinion. On va réentendre parler de Napoléon, et petit à petit, la légende va commencer à se propager. La légende qui est née à Sainte-Hélène, la légende de Napoléon, qu'il a lui-même créée. Ah oui, qu'il a lui-même créée. Napoléon a dit, les Anglais m'ont offert la couronne qui me manquait, la couronne d'épines, parce que lui, dès le début, son discours, c'est de dépeindre la captivité comme un chemin de croix. Alors, il faut être Napoléon pour oser la comparaison avec le Christ, mais en certaine manière, ça va marcher. On va d'ailleurs appeler ses compagnons les évangélistes. Il y a aussi un gouverneur, ce n'est pas Ponce Pilate, mais c'est la puissance dominante. Et il y a comme ça quelques analogies qui vont fonctionner et faire de Napoléon un martyr. Nous sommes dans le siècle du romantisme, donc Napoléon mort sur cette île isolée, dans un cadre comme ça exotique et verdoyant, si on peut dire, eh bien va inspirer comme ça aussi la littérature. Hein. Et donc, il y a Chateaubriand, effectivement le premier, qui va écrire dans les Mémoires d'Outre-Tombe le texte le plus magnifique autour, alors qu'il n'est pas là, sur la mort de Napoléon. Donc on a comme ça un mouvement irrésistible, hein, littéraire, poétique même, hein. Il faut se rappeler des vers de Lamartine aussi, qui comme ça emporte, si je puis dire, l'adhésion populaire. Merci beaucoup Pierre Branda, conseille vivement la lecture de votre livre Napoléon à Sainte-Hélène, publié chez Perrin, à lire également l'excellent catalogue de l'exposition Napoléon n'est plus, coédité par Gallimard et le Musée de l'Armée. L'exposition est à voir à l'Hôtel des Invalides jusqu'au 31 octobre et bien sûr à voir la grande exposition dont France Inter est partenaire, Napoléon, à la Grande Halle de la Villette qui débute vendredi prochain 28 mai et qui sera visible jusqu'au 19 décembre. De son ascension au déclin, l'expo retrace l'épopée napoléonienne, les grands événements historiques bien sûr, mais aussi la vie intime et romanesque de l'homme. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons pendant la Révolution française lorsque Marie-Antoinette, emprisonnée avec sa famille, correspond secrètement avec le comte Axel de Fersen. Une correspondance cryptée qui révèle la femme politique, mais aussi la femme amoureuse, commettant le pire des péchés pour une reine, avoir un amant. Axel et Marie-Antoinette, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.